Iman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Certaines agences de banques commerciales ne sont pas encore approvisionnées en nouvelles coupures de 10 000 et 5 000 francs burundais annoncées par la Banque de la République du Burundi. Des clients rencontrés par certains de nos reporters se plaignent de ne pas être servis. Nous en saurons davantage avec nos correspondants de Kirundo et Bururi. Le gouvernement du Burundi envisage construire un peu plus de 6 000 logements sociaux sur les sites Kizingwe, Bihara et Sokarti. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Vous en entendrez un extrait du compte rendu. Et le président de l'ONG Action Ceinture Verte, Albert Mbonerane, regrette que les 150 mètres de zone tampon sont sciemment mal calculés lorsqu'il s'agit d'ériger des constructions sur le littoral du lac Tanganyika, même pour des fins économiques ou touristiques. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des clients de différentes agences bancaires basées à Kirundo se plaignent de ne pas être servis depuis ce jeudi. Les préposés au guichet expliquent attendre encore l'arrivée de nouveaux billets de 10 000 et 5 000 francs burundais. Les commerçants disent que leurs activités sont paralysées tandis que d'autres manquent d'argent pour faire leurs achats. Tous s'accordent à dire que la Banque centrale aurait dû anticiper l'approvisionnement des banques commerciales en ces nouvelles coupures pour éviter ces désagréments. De Kirundo, Abraham Safari. Des lamentations sont multiples au sein de la population de Kirundo et surtout les commerçants qui ne sont plus autorisés à faire des retraits d'argent dans les différentes banques et microfinances. Depuis ce jeudi, les banques comme Interbank a presque suspendu les opérations de retrait. Les autres comme la BCB n'offrent que des petites sommes avec des billets de 2000 francs et 2000 francs. Le motif, du moins selon les explications des banquiers qu'ils donnent à leurs clients, ils attendent l'arrivée des nouveaux billets de 10 000 et de 5 000 francs. Certains commerçants nous ont fait savoir que leurs activités sont paralysées et ils enregistrent beaucoup de pertes durant ces deux jours. Ils demandent le dénouement de cette question afin de continuer à vaquer de leurs activités. Selon eux, la BRB devrait prendre cette décision au moment où les nouveaux billets seraient déjà déposés dans les caisses des banques pour éviter les ruptures. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Même situation à Bururi où les opérations de retrait d'argent sont provisoirement suspendues à l'agence postale depuis le matin de ce vendredi. Et pour cause, les nouveaux billets de 10 000 et 5 000 francs burundais ne sont pas encore disponibles, ce qui a déjà provoqué des grognes chez les clients de cette institution financière. Et dont certaines des activités sont paralysées, les employés de cette agence de la poste indiquent qu'ils attendaient aussi l'arrivée de ces billets car même ceux de 2 000 francs burundais ne sont pas pour l'instant disponible. Zenon Zambimana. Les clients de l'agence de poste de Bururi, rencontrés le matin de ce vendredi à cette agence, nous ont fait savoir qu'ils rentrent sans toutefois retirer leur argent suite à la non-disponibilité de nouveaux billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais à cette agence de poste. Certains grognent que leurs activités sont aujourd'hui paralysées suite au manque de ces nouveaux billets. Interrogés à ce sujet, les employés de cette agence de poste nous ont fait savoir que ces nouveaux billets ne sont pas encore arrivés à Bururi, raison pour laquelle les retraits d'argent sont provisoirement suspendu, surtout que même les billets de 2000 francs burundais auxquels ils devraient faire recours pour servir leurs clients n'étaient pas aussi disponibles à cette agence de poste de Bururi. Ces employés indiquent qu'ils attendent eux aussi l'arrivée de ces nouveaux billets, mais d'autres opérations comme le versement et d'autres continuent. À l'agence de la Banque burundaise pour le commerce et l'investissement BBCI de Bururi, ces nouveaux billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais n'étaient pas aussi disponibles. C'est les employés de cette agence de banque qui servaient d'autres billets, à part ceux concernés par la récente mesure de la Banque de la République du Burundi de retirer de la circulation des billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais datés du 4 juillet 2018. Les clients de toutes ces institutions financières demandent la disponibilité de ces nouveaux billets pour qu'ils puissent continuer normalement leurs activités, afin également de respecter la période de retrait de ces anciens billets dont la fin a été fixée au 17 de ce mois en cours par la Banque de la République du Burundi. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. La suite de ce journal, 5 000 appartements en logements sociaux vont être érigés dans la localité de Kizingwe-Bihara sur une superficie de 300 hectares ainsi que 1600 au site Sokarti, selon le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Dans un extrait du compte rendu lu par Prosper Naourgouami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, il fait savoir qu'une telle politique est motivée par le rétrécissement des espaces agricoles et une démographie galopante. Ce projet de construction des logements sociaux est initié après avoir longtemps observé une course effrénée pour l'acquisition des parcelles individuelles via un commerce devenu très spéculatif à travers tout le pays du fait que les terrains à construire octroyés par les services publics ne peuvent plus satisfaire la demande. Même des ménages à un standing relativement élevé s'installent dans les quartiers périphériques non viabilisés pour question de spéculation foncière. La situation est plus préoccupante dans la périphérie de la ville de Bujumbura et ses environs, avec une menace sérieuse de disparition des espaces agricoles, surtout dans la plaine de Limbo. Le rétrécissement des espaces agricoles ainsi qu'une démographie galopante appellent à un changement de stratégie en matière de gestion urbaine. La formule préconisait la construction à hauteur dans la mesure du possible et dans des sites moins éligibles pour l'agriculture. Ce projet consiste à ériger sur le site Kizingwe Wihara, au terme d'une viabilisation par intégration, 5000 appartements en logements sociaux au lieu d'abriter 600 acquéreurs de parcelles uniquement. Le site a une superficie de 300 hectares, 53% revenant aux propriétaires du terrain, tandis que les 47% restants à l'État. Sur le site Sokarti, il sera construit 1600 appartements en logements sociaux. Le coût de ces logements va différer suivant les catégories de ces appartements. Après analyse et débat, le projet a été adopté avec les observations suivantes. Compte tenu de l'emplacement du site Kizingwe Wihara, envisager les mesures nécessaires pour que les eaux en provenance de ce site ne puissent pas provoquer des inondations et emporter les maisons construites dans le quartier Nyabugete. Compte tenu de la mentalité des Burundais habitués à vivre dans des habitations individuelles, il sera nécessaire de sensibiliser les occupants des appartements sur la propreté et prendre des mesures d'accompagnement nécessaires. Prosper Naourgouami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Il est permis d'aménager des constructions sur le littoral du lac Tanganyika pour des fins économiques et touristiques. Le président et fondateur de l'Action Ceinture Verte, qui le dit, précise que ces infrastructures doivent être conçues en matériaux non durables après une étude menée par le ministère ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. Ambassadeur Albert Mbonerane déplore la façon dont les 150 mètres de zone tampon sont mesurés et rappelle que l'on considère la dernière montée des eaux du lac. On l'écoute au micro d'Alain Désiré Boukeyenet. Les 150 mètres, c'est, je dirais, pour une zone tampon pour la protection des eaux du lac Tanganyika, de la biodiversité du lac Tanganyika. Mais quand vous lisez l'article 5, alinéa 3, du code de l'eau qui est sorti le 26 mars 2012, les 150 mètres, on devrait les compter à partir du niveau de montée périodique des eaux du lac Tanganyika. Il ne faudrait pas compter les 150 mètres à partir du bord du lac Tanganyika. C'est la zone du lac Tanganyika pour éviter qu'il y ait des dégâts. Si on compte les 150 mètres à partir du niveau, disons, du bord du lac Tanganyika, aujourd'hui, avec la montée des eaux, les 150 mètres dans certains endroits ont été récupérés. Le code permet que l'on peut s'installer légalement dans le littoral du lac Tanganyika. Quelles sont les conditions? Il y a deux choses. Il y a ce que nous appelons les plages naturelles et les plages artificielles. Normalement, il faudrait éviter qu'il y ait des plages artificielles. Mais pour, disons, quelques intérêts, je dirais, économiques et touristiques, c'est le ministère en charge de l'eau de l'environnement qui doit mener des études d'impact environnemental pour dire ici on peut aménager une plage artificielle. Comment différencier une plage artificielle et celle naturelle? Disons, là vous allez trouver du sable, on peut dire que c'est plus ou moins naturel. Mais quand on doit couper, je dirais, la verdure, on amène de la terre, tout ça, on entasse, ça c'est créer une plage artificielle. Mais si on dit, voilà, si on veut faire la promotion du tourisme, etc., attirer les touristes pour qu'ils viennent voir les richesses du lac Tanganyika, là on peut dire, on peut aménager une plage artificielle, mais à condition de ne pas faire des constructions en dur. Pour ne pas mettre des matériaux en dur, vous voulez dire, c'est quel matériau exactement? On peut utiliser les roseaux, etc., ou bien du bois, etc., là où les gens peuvent venir s'asseoir, hein, quand il fait soleil, ils sont plus ou moins à l'ombre, etc., là ça peut être autorisé. Mais il faut une autorisation du ministère en charge de l'eau de l'environnement. C'était l'ambassadeur Albert Mbonerane. On reste dans ce domaine de l'environnement avec le professeur Jacques Ngroutse, qui estime qu'ériger une clôture autour du parc de la Rouvoubou est une tâche difficile, mais cela serait une des solutions pour atténuer les conflits entre les éco-gardes et les populations riveraines qui s'indignent contre les animaux qui sortent de cette réserve pour détruire leurs champs agricoles. Le professeur Jacques Ngingurutse dit qu'après les enquêtes qu'il a menées, il a trouvé que la population riveraine du parc de la Rouvoubou devrait aussi semer des cultures qui ne sont pas enviées par ces animaux. Suivez-le au micro d'Evariste Nzikobanyanga. La solution serait de pouvoir tenter de planter des semences, les cultures qui sont moins appétées par ces animaux, c'est-à-dire les babouins et les buffles surtout. Et donc, par exemple, les aubergines seraient moins appétées par les buffles, alors que si c'était le maïs, c'était le haricot, c'était la patate douce, ça serait beaucoup plus appétée, plus détruite. Et donc, ça veut dire qu'on devrait penser à ça. Et donc aussi, on devrait penser à vulgariser ça. L'autre chose serait de clôturer le parc. Clôturer le parc aussi, ça coûte beaucoup cher. Et donc, ça devrait être vraiment un projet du gouvernement qui serait mis en œuvre sur le long terme, qui devrait être penser d'abord, planifier et être fait sur un long terme, parce que nous avons déjà vu que dans les autres pays, on fait ce genre de projet. On sait qu'au Kenya, à Nairobi ou ailleurs, parfois on clôture des parcs et puis on réduit quand même sensiblement les dégâts causés par les animaux aux paysans, à la population riveraine, et donc ça serait une des voies. Mais je pense que les deux, l'indemnisation et la clôture, serait quelque chose à penser, à mûrir par la suite. Et ce n'est pas quelque chose qui viendrait vraiment dans le court terme. Mais je pense que les autres solutions sont possibles. On puisse atténuer ces conflits et tendre vers une cohabitation pacifique, positive. Et des commerçants de denrées alimentaires exerçant dans différents marchés de la mairie de Bujumbura ont accueilli à contre-cœur la mesure interdisant le déplacement de la production agricole d'une province à une autre. Ils expliquent que ces produits se feront rares et entraîner la hausse des prix. Pour eux, les échanges interprovinciaux de denrées alimentaires n'entachent en rien le commerce, pour autant que l'on ne les exporte pas dans la clandestinité. Un reportage de notre stagiaire Clovis Nyonguru. À la technique, on me fait signe que l'élément n'est pas encore prêt. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.